approché. Il était carré de se faire dire de fermer sa gueule puis d'aller faire une technique au cégep. Puis de manger les OGM cachés dans son assiette. Obligé d'avoir envie d'arrêter de fumer la cigarette. Personne n'est obligé de dire j'aime à tout ce que le système nous dit d'aimer. Faudrait oser penser par soi-même. Je ne suis pas parfait puis je le sais. Vous n'êtes pas parfait puis on le sait. Faudrait se décoincer puis avouer qu'il y a personne de parfait. Qu'il y a personne de parfait. Veulent que je sois, ni ce que je voudrais être. Je suis juste ce que je suis, pis c'est ben en masse. Y'a juste une personne qui peut me juger, pis c'est moi. Moi j'ai aucun respect pour les hommes de loi. Ils sont pas meilleurs que moi, qui c'est qui sont pour me juger. Ça c'est pas juste des paroles d'ado révolté. Je ne suis pas parfait, pis je le sais. Vous n'êtes pas parfait, pis on le sait. Faudrait se décoincer, pis avouer qu'y'a personne de parfait. Pas mieux à l'imparfait, pis le futur, disons que j'suis pas prêt à l'assumer. J'comprends les compagnies de pas vouloir m'assurer. Spot, mon mode de vie est dangereux, mais en étant un code de bord, y'en a le front un code de bord. Ils s'imaginent que j'suis pas fort, que la pression va m'avoir. Le jour où j'vais me sentir à l'aise, j'vous le dirai. Pour l'instant, j'suis poli, j'ai le goût de vous tirer. Rendu en cours, y'a. M'a déclaré pas sain d'esprit, m'a prendre 2 ans avec sursis, c'est ainsi que va la vie. C'est pas comme ça que je la veux, mais je fais semblant que je l'apprécie. M'en faire un aveu, je pense pas rester longtemps ici. Un proverbe qui dit quand l'appétit va, tout va. Mais présentement, la moitié de l'anorexie. Mais présentement, la moitié de l'anorexie. Je ne suis pas parfait, pis je le sais. Vous n'êtes pas parfait, pis on le sait. Faudrait rester coincé, pis avouer qu'y'a personne de parfait, qu'y'a personne de parfait. Prendre le temps de s'asseoir. Laisse-toi choisir ma